Créteil Logement, bonjour. Bonjour madame, je vous appelle parce que je cherche un logement à Créteil. Vous pouvez me dire ce que je dois faire ?